marche. Et je ne sais pas, alors marche. Marche. Alors marche. Alors marche. Marche ou pas à l'école, à l'armée, alors marche.